Ici Luc Simard. À titre de préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, je tiens à profiter du mois de l'arbre afin de souligner l'importance qu'a la forêt pour notre communauté. Nous sommes choyés car nous avons la chance de posséder l'un des plus importants parterres forestiers du Québec. Cette importante ressource constitue non seulement notre principal moteur économique, mais aussi un immense terrain de jeu pour tous nos citoyens. Soyons-en fiers et assurons-nous de l'aménager et la protéger afin que nous puissions léguer une forêt en santé aux générations futures. Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Le mois de mai est décrété le mois de l'arbre et de la forêt. Il est important de souligner la contribution de la forêt à notre activité économique et de tout ce qu'elle apporte à nos communautés. La forêt, c'est des milliers de travailleurs qui chaque jour gagnent leur vie. C'est aussi la villégiature, l'environnement et le milieu de vie d'une multitude d'espèces. Il faut souligner les contributions de tous et chacun dans les efforts de développement durable et de conservation. Ça a été également le temps de confronter des prises de position négatives et mensongères de certains groupes d'activistes environnementaux sur nos modèles de gestion qui, selon eux, détruisent nos forêts. Je souhaite que tous les bénéficiaires touchés par cette ressource continuent leurs efforts, leurs discussions, leurs réflexions dans un esprit de développement durable qui permettront à nos générations futures de pouvoir profiter pleinement de nos belles forêts en santé. On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'Espace Soccer.com. Bel article ce matin dans le petit écriteau dans le journal Le Quotidien. Benoît qui a décidé de démarrer son pub soccer. On va lui en parler. Salut Benoît. Salut dans la Radio Sport. Tu vois, j'ai même pas vu cet article-là. Ouais, c'est un petit écriteau ce matin qu'on voit là. Donc c'est ça. Ouais. Fait que sur une petite publicité sur le Espace Soccer. Parlons-en d'Espace Soccer. Ah oui, go. T'as décidé de redémarrer ça? Ben écoute, ça avait fini abruptement un peu. Moi, je suis enseignant en éducation physique, puis l'objectif, c'est peut-être en fin de carrière d'ouvrir mon petit coin sport soccer à moi vraiment. C'est un projet que j'ai. Okay. En attendant, ben la formule que je fais avec... J'étais avec un restaurant allemand, puis là, c'est un autre restaurant qui me fait une petite place avec son permis de boisson. Fait qu'on a... On a pris un coin du bar pour garder le concept. L'idée du concept, c'est toujours le rassemblement, la culture foot. Mais de plus en plus, la culture foot, elle se développe de plus en plus dans la région. Moi, je suis dans le secteur d'Alma. Ça serait intéressant que les gens du Saguenay aient un petit coin aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'amateurs de soccer, et même dans le coin du haut du lac. Ouais. Puis, pour les rassemblements, mais vu que les rassemblements, il n'y en a pas tout le temps, quand arrivent les moments d'Euro, les moments de la Coupe du Monde, alors c'est là qu'on se retrouve, les gars de soccer, et même les amateurs qui aiment écouter un match de foot. C'est pas tous les gens qui aiment ça, bien entendu. Puis après ça, ben, comme je te dirais aussi, ben c'est ça le projet futur de Sport Soccer, c'est ça. Donc, aujourd'hui, justement, la Ligue des champions, Real Madrid-Liverpool, et on présente la Coupe du Monde. Là. D'ailleurs, je pense que tu m'as dit que tu allais peut-être être présent le 15 juin. C'est pas le match d'ouverture, c'est le lendemain, parce que le match d'ouverture, je trouvais qu'il n'y avait pas un gros rendez-vous comme match d'ouverture. Donc, on a un super match le vendredi 15 juin dans le Radio Sport, et même CKJ, Michel Tifo va être avec son équipe. Donc, c'est quand le match du vendredi, le Portugal-Espagne du 15 juin, après l'émission va se faire là, ça va être intéressant, ouais, là, bon. Au petit coin Sport Soccer. On invite les gens à venir nous trouver, en tout cas. Là. OK. Hey, là, ça risque de mettre toute qu'une histoire. T'as-tu vu passer ça? C'est une nouvelle que je dois essayer de développer la semaine prochaine. Au 98.5, les tenants de bord, ça va coûter pas mal plus cher maintenant avoir RDS et TVA Sport. Ça va passer de 500 à 10 000 $. Alors, donc, ça sera pas évident. Donc, non, j'ai pas vu passer ça. Les gens, là, les tenants de bar, comme toi exactement, là, qui a un petit bar de soccer pour présenter des matchs, qui réunit les gens, ben, à compter de l'an prochain, ça va vous coûter 10 000 $ par année au lieu de 500 $. Ben, c'est sûr que ça va être encore des frais. Ben, c'est pas des frais, là. C'est beaucoup de frais, là. Écoute, c'est beaucoup de frais. Mais je sais pas comment ça va s'arrimer tout ça, mais je veux dire, RDS est ici au Québec, le monde du hockey, là, les bars partout au Québec. Exactement. Là, ce que ça commence à dire, c'est qu'on va tout simplement abandonner tout simplement les canaux de sport parce que ça coûte trop cher. Exactement. Mais là, c'est les réglementations, puis les permis de ci, puis les permis de ça. C'est pour ça que c'est le projet. Mon projet d'Espace Soccer avance pas nécessairement à cause de ça. Je vois cette aventure-là. Et puis c'est peut-être ça qui m'arrête un petit peu. Mais J'espère que ça n'arrivera pas à ces montants-là. Ben, c'est comme déjà, ben, en tout cas, Bill, c'est les câbles aux distributeurs qui changeraient ce montant-là. OK. Et les, non, pas le câble secteur, les canaux, parce qu'eux autres disent que vous profitez d'eux autres. Donc, c'est un peu vrai, mais en même temps, il y a des limites là, quand même. De toute façon, eux, avec ce qui va arriver, c'est qu'il y a des gens qui vont se désabonner du corps, tout simplement. Puis, Oui. Okay. Ben, tu vas sûrement trouver quelqu'un pour en parler plus profondément. Oui, c'est ça. Ben, c'est bon. Okay. Benoît, après le match de lundi dernier, match du 25e anniversaire, l'Impact a joué un match horrible. Pas de vie. 1-0, ils ont perdu. Mais en plus, ils ont joué à 11 contre 10 avec Zlatan Ibrahimovic qui a pogné un carton rouge. Donc, il n'y a pas eu d'attaque. 23 tirs contre 6, mais c'était pas vraiment des attaques vraiment fortes, là. Donc, et après le match, ben, Joey Saputo a sorti puis a mentionné qu'il faut s'attendre à de grands changements, de changements qui plairont pas aux amateurs. Évidemment, il y a dit ça sur les ondes du 98.5 avec Jérémy Filosa. Et j'écoutais les gens qui sont sur le beat de l'Impact et disent que c'est Ignacio Piatti qui pourrait être visé et que Joey Saputo n'a jamais aimé, n'a pas aimé donner 6 millions. C'est DeSantis, c'est Nick DeSantis et également l'autre qui est avec Adam Braz qui aurait supplié Saputo de donner 6 millions à Piatti pour pas qu'il parte. Et là, on parle de 3 joueurs à 2 millions et on pourrait vendre Piatti des clubs argentins. Question. Moi, j'aime mieux voir Piatti. Il vend des chandails, il vend des billets que 3 joueurs à 2 millions. Puis on voit que 3 joueurs à 2 millions, c'est pas un manque d'argent du côté de l'Impact. On est la 7e masse salariale de la MLS. Par contre, il y a des joueurs qui n'en donnent pas pour leur argent. Ah, écoute, là, l'Impact cette semaine, là, l'actualité des médias, c'est assez négatif. Là. Le match, on va parler du match tout d'abord de lundi. Je te dirais que j'ai vu avant le match, il y a eu une super conférence de presse avec les anciens coachs, Marc DeSantos qui est devenu l'Espoir Soccer, je te fais en passant, ici à Alma. Tu sais, c'est pas n'importe qui, il est rendu avec le LA Galaxy comme entraîneur adjoint avec Bradley, un des bons entraîneurs aux États-Unis. Écoute, c'est pas donc, il y a un beau profil de carrière qui s'en vient là. Il y avait aussi d'autres gens qui avaient entraîné l'Impact qui étaient là aussi, des joueurs qui avaient marqué l'histoire un peu quand l'Impact a gagné des championnats. Il y a eu une conférence de presse que j'ai partagée, je pense que c'est 30-35 minutes. J'invite les gens à aller voir, à revoir cette conférence-là. Et là, après, c'est le gala, c'est le match de gala du 25 ans. Ça se demandait, j'ai fait des commentaires, ça se demandait s'il n'y aurait pas dû, justement, ce 25 ans-là, faire, justement, un match de gala et non un match de saison pour faire la fête, essayer de créer des événements comme ça. Peut-être, pourquoi pas faire venir le FC Bologne contre l'Impact, un match d'équipe qui appartient à M. Saputo. Ça aurait été intéressant, peut-être. Pourquoi pas se servir de ça? On m'a dit aussi, j'ai entendu entre les branches d'Annie que le FC Bologne, ça n'allait pas si bien. À un match de gala ou un match des anciens, je sais pas, essayer de créer un élément comme ça. Puis on en a parlé la semaine dernière, Danny, plus de Bernier, plus de Camara, Sima, ça fait mal aussi. Je pense que Sima, ça fait très mal. Et là, eh bien, il faut se tourner vers Rémi Garde, il faut se poser des questions. Est-ce que Rémi Garde a les compétences pour l'instant pour le soccer européen? Soccer américain. Je pense que la MLS, Rémi Garde, de plus en plus, avec quand on regarde les profils des matchs et puis les changements qu'il fait au moment, des fois en fin de match, très tard, il embarque des joueurs, le match est fini. Alors, c'est des questions qu'on peut se poser, mais maintenant... Beaucoup de blessés aussi à l'entraînement. Oui, il y a eu les blessures, beaucoup. On a fait venir des joueurs, Rod Fanny, qu'on a vu dans les matchs qu'il a pu participer, qui était un excellent défenseur, mais si le gars est toujours blessé, ça aide pas. Il y a Gamacho qu'on n'a pas pu voir trop ses qualités. On a Tyder en milieu de terrain qui a pris la place de Djemali qui a voulu retourner à Bologne. Est-ce que Tyder, ça lui tentait de venir jouer ici? C'est une question qu'on... Ben, on dit que non, hein. On disait que non, semble-t-il. Oui, mais à partir de ce moment-là, si tu as des joueurs qui ça lui tente plus ou moins de venir, c'est bien beau le lien avec Bologne et l'Impact, mais je veux dire, est-ce qu'un joueur qui joue en Serie A italienne, comment veux-tu vendre le projet, le concept de s'en venir ici jouer avec l'Impact de Montréal? Je sais, il y a quand même, c'est des niveaux, là. Mm. Tu dis, un jeune de 24-25 ans, exemple comme Tider, qui a un profil encore de jouer en Europe, c'est quoi l'intérêt de venir ici, là? Alors que tu es en Italie, la température, tu joues contre les grands clubs européens, tu as des chances de jouer des Coupes d'Europe. Alors c'est quoi l'intérêt de s'en venir ici? Maintenant, cette semaine, j'ai partagé, Danny, tu dis Piatti 6 millions, on se rend vers Piatti. Moi, j'ai dit, pourquoi pas aller à 3, faire comme l'FC Toronto? C'est quoi que tu veux au juste? Tu veux-tu gagner des championnats? Tu veux-tu te tenir dans le milieu du classement? C'est quoi le plan? Je pense que les gens à Montréal, les Montréalais qui sont dans les médias ont parlé beaucoup de plans. Quel est le plan de l'Impact? Ben, moi, j'entends du plan de Marc Bergevin souvent, hein? Ouais, mais ouais, non, mais je veux dire, tu sais, le plan, c'est quoi le plan à long terme, à 3, 4, 5 ans? Bergevin, il sort des plans quinquennal à tous les deux ans, à tous les années, il n'y a pas le choix. Mais je veux dire, pourquoi que Toronto a 3 gars à 6, 7 millions? Bon, là, on parle de Piatti, c'est le seul de l'Impact. On est en train de parler de peut-être le vendre et d'aller chercher 3 gars à 2 millions. 3 gars à 2 millions, il faut que ça fonctionne sur le terrain. Ben il n'y a rien de fait encore, il n'y a rien de sûr encore. Les gars à 2 millions, quelle qualité de joueur là, que tu vas aller chercher? Alors, Toronto ont acheté un championnat, entre guillemets, si on peut dire. Ils ont même remporté la Coupe MLS l'année passée avec 3 gars à 6 millions. Et ça fait 2 ans qu'on finit en finale de la Coupe MLS puis avec un championnat avec ça. Mm. Donc, est-ce que c'est cette formule-là? Mais il y a beaucoup de clubs en MLS qui ont la formule du développement. Mais qui passe par les académies. Bon, mais l'Impact là-dessus, on a une belle académie. Maintenant, il va peut-être falloir se brancher là, dans quel bord qu'on veut aller. Mais à Montréal, on veut des clubs gagnants aussi, puis on veut des têtes, on veut des vedettes. Septième, Benoît, septième dans les dans la masse salariale. Comment tu dis? Septième dans la masse salariale. C'est pas vrai qu'on dépense pas de l'argent. C'est pas vrai qu'on dépense pas de l'argent, l'Impact. Là. C'est le mauvais c'est peut-être le mauvais dépistage aussi, là. Oui, il y a sûrement eu des erreurs, des mauvaises évaluations. Des mauvaises évaluations. À 300 000, un autre à 600 000. Des mauvaises évaluations, mais je veux dire, Danny, si le joueur que tu vas chercher, ça ne fait pas l'affaire, tu vas chercher des Européens. On parle de Rémi Garde qui a une adaptation. Moi, je pense que. Ouais. Ben, imagine-toi des joueurs européens. Il y en a une affaire aussi, des joueurs européens. Gosse Latane. Ça a bien commencé son match d'ouverture, mais ça va pas si bien que ça. Il a même mentionné que c'est la première fois dans sa carrière, dans les clubs qu'il a joué, qu'il a perdu 3 défaites en ligne. Mais Zlatan, je voulais justement en parler. Et quelle déception, moi, un fan de soccer comme je suis, très déçu d'avoir vu le geste de Zlatan. Et puis, ça voulait quasiment dire, en guillemets, de la Ligue. Moi, j'ai un niveau, j'ai un standing, là, ses pieds, c'est exactement la caricature, c'est exactement ce qui est arrivé. Et puis, ce que j'ai moins aimé, Danny, tu sais qu'on entend, moi, comme gars de soccer, je n'entends parler depuis des années, le fake des gars au soccer, comment est-ce que les gens, le monde proche du hockey, puis souvent qu'ils vont décrier notre sport, souvent ça va dire, oh, moi, le soccer, j'aime pas ça parce que telle affaire à cause du fakeage. Mais là, on a eu un exemple des plus concrets des deux joueurs qui étaient Zlatan et puis le défenseur Petrasso. C'était ridicule de voir ça, là, les deux gars couchés à terre. Là. Moi, j'en revenais pas. Ça m'a choqué, en tout cas. Mais je reviens à Rémi Garde. Est-ce que Rémi Garde regarde le soccer de haut? Le soccer de la MLS de haut? C'est pas le peut-être, même. Peut-être. Ben, il ne regarde pas de haut, mais c'est une attitude. C'est une attitude comme ça. Faut croire que c'est ça. Moi, je te dis ça comme ça, mais j'ai des amis français, moi, puis des gens de foot français. Puis souvent, on parle. Puis ils ont la science infuse, des fois. On dirait que. Ils connaissent tout, puis tu peux pas. C'est difficile de d'argumenter là-dessus. Le football, ça vient pas d'ici, ça vient de là-bas. Ouais. Mais est-ce que c'est une attitude dans ce sens-là? Peut-être, parce que. Mais quand même, quand tu fais ces presses d'avant et d'après match et dans la semaine, c'est quand même. Il dit les vraies choses aussi. Et peut-être qu'il a forcé, il veut forcer la main à ça plutôt. Je sais pas trop c'est quoi le plan. Là, ouais. Mais là, c'est parce que l'impact est dans. Parce que là, Rémi Garde, on l'a payé, là. On l'a payé très cher. Il ne fait pas mieux que Mauro Biello, là. Tu sais, c'est pire qu'à Mauro Biello. Le staff de l'Impact, on dit que c'est 5 millions que ça a coûté. Tu peux pas licencier ça. Puis ce soir, ce qui arrive ce soir également, pour le nombre de buts, on risque d'avoir un record aussi, là. Si on ne compte pas en première demi, on va avoir encore pour le moins nombre de buts. Ah, mais écoute, Danny, ouais. Quand tu regardes le club sur le terrain la semaine dernière, ouais. C'était pas le Klondike. C'était pas la super équipe. Et puis je te reviens avec les joueurs qui sont partis. Puis veut pas, je pense que oui, on savait que Bernier allait prendre sa retraite. Je pense que le joueur qui fait le plus mal, c'est Laurent Simon. Oh. Même s'il faisait des erreurs à des moments précis dans des matchs, quand il partait à la volée, il partait en montée, puis des fois, il y avait des erreurs qui se créaient sur le jeu. Mais moi, je pense que Laurent Simon a fait mal. Et puis, on le voit cette année. On a toujours parlé d'une saison de transition, mais là, ça va être une saison de misère. Donc, c'est même plus une transition parce que tu vois pas la lumière au bout du tunnel. Il reste le championnat canadien, la Ligue des champions. On pourrait toujours se rattraper là-dessus, ouais, Mais Danny, pour se rendre à la Ligue des champions, il faut que tu gagnes ton championnat canadien. Ben ouais, mais c'est ça. Tu bats Toronto, puis Vancouver. Puis présentement, le club que l'Impact propose, ils sont loin de Il faut arrêter de penser de viser ça, là. Ils sont loin de ça, là. Oui, c'est sûr. On fait une pause, on revient dans quelques instants à la Ligue des champions, la grande finale de la Ligue des champions cet après-midi, Liverpool contre le Real Madrid. Vous êtes à l'écoute d'entrevue avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com sur les ondes de DanRadioSport.com. Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Le mois de mai est décrété le mois de l'arbre et de la forêt. Il est important de souligner la contribution de la forêt à notre activité économique et de tout ce qu'elle apporte à nos communautés. La forêt, c'est des milliers de travailleurs qui chaque jour gagnent leur vie. C'est aussi la villégiature, l'environnement et le milieu de vie d'une multitude d'espèces. Il faut souligner les contributions de tous et chacun dans les efforts de développement durable et de conservation. Ça a été également le temps de confronter des prises de position négatives et mensongères de certains groupes d'activistes environnementaux sur nos modèles de gestion qui, selon eux, détruisent nos forêts. Je souhaite que tous les bénéficiaires touchés par cette ressource continuent leurs efforts, leurs discussions, leurs réflexions dans un esprit de développement durable qui permettront à nos générations futures de pouvoir profiter pleinement de nos belles forêts. Ici Luc Simard. À titre de préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, je tiens à profiter du mois de l'arbre afin de souligner l'importance qu'a la forêt pour notre communauté. Nous sommes choyés car nous avons la chance de posséder l'un des plus importants parterres forestiers du Québec. Cette importante ressource constitue non seulement notre principal moteur économique, mais aussi un immense terrain de jeu pour tous nos citoyens. Soyons-en fiers et assurons-nous de l'aménager et la protéger afin que nous puissions léguer une forêt en santé aux générations futures. On est de retour à DanRadioSport.com. Évidemment, l'Impact prend beaucoup de temps. Mais il y a la grande finale de la Ligue des champions, puis à un autre moment, ben, les équipes également qui dévoilent un peu leur alignement pour la Coupe du Monde qui va commencer dans 15 jours. Mais Benoît, Liverpool contre Real Madrid cet après-midi. Le Real qui est en quête d'un troisième titre contre Liverpool. Ça va être un walk in the park? Ben écoute, comme je te disais, on présente un match à l'Espace Soccer après-midi sur la rue Saint-Joseph à Alma. Alors, venez nous trouver s'il y a des gens intéressés, mais je te dirais, écoute, tu dis le Real Madrid pour un troisième titre consécutif, mais dans l'histoire, on sait qu'ils en ont 12, ce sera leur 13e. Et puis, de l'autre côté, tu as Liverpool qui en a 5. Le grand favori, bien entendu, c'est le Real Madrid. Oh, ouais. Ils ont eu de la difficulté un peu en fin de saison régulière, mais le Real, depuis quelques années, mise beaucoup sur la Ligue des champions. L'année passée, on a gagné le championnat d'Espagne aussi, mais cette année, on l'a perdu tôt. On va se rappeler le début de saison, lorsque Ronaldo a eu un carton rouge, a été expulsé pour 3-4 matchs, et c'est ça qui a fait mal un peu à leur saison en MLS. Donc, comme je te dirais, faut pas oublier l'autre côté, t'as un joueur comme Mohamed Salah, l'Égyptien, qui est le gros joueur présentement à Liverpool et qui s'attend à qu'il passe une grande Coupe du Monde. J'ai hâte de voir l'Égypte qui a pas nécessairement une grande sélection, mais avec des joueurs comme ça, ça peut donner du souffle à la sélection et puis tout ça. Donc moi, je pourrais voir quand même une victoire du Real Madrid. Danny, ce que j'aimerais dans tout ça, c'est que tu sais qu'on est allé à Madrid avec mon groupe de jeunes, et je serais content de dire que en 2018, quand je suis allé avec 15 jeunes de mon école, voir le Real Madrid, voir les champions de la Ligue des champions et l'Atlético. Donc, j'aurais vu les doubles champions d'Europe 2018. Donc, moi, je prévois une victoire du Real et je vais prendre pour le Real aujourd'hui. Mais ça va être un bon match. Liverpool peut être, ça peut être tannant sur un match, on ne sait jamais. OK. Donc, on va surveiller ça de près. Rapidement, là, on ne fera pas toute la sélection, mais la France a dévoilé son alignement en vue de la Coupe du Monde. Est-ce que tu penses que la France... J'écoutais un petit peu sur RMC. Évidemment, on va se brancher beaucoup sur RMC durant la Coupe du Monde. On dit que c'est une équipe jeune puis qu'on prépare l'Euro 2020. Ben là, c'est une équipe jeune. On prépare l'Euro 2020. C'est-tu pour enlever la pression aux joueurs? Parce que normalement, la France, on est à la fin de cycle. Là c'est ça devrait être une sélection pour la victoire de la Coupe du Monde. Alors là, préparer l'Euro 2020, on a sorti en finaliste de l'Euro 2016 qu'on aurait dû remporter, qu'on a perdu contre le Portugal. Et puis là, on a vraiment une des meilleures sélections. Là, on a probablement, la France a les meilleurs joueurs d'à peu près, d'un peu partout, dans tous les grands clubs d'Europe. On a eu des blessés. Il y a des joueurs qui ne seront pas là, comme Koscielny, qui est blessé avec Arsenal et qui est dommage qu'il ne pourra pas être là. Il y avait Payet la semaine dernière qui s'est blessé dans la finale de match de la Ligue de la Coupe Europa, qui s'est blessé en début de match. Payet est un joueur qui normalement était dans la liste, qui était visé dans la liste des 23 de Deschamps. Mais pour revenir à l'équipe de France, Dani, moi ce que je trouve, parce que moi c'est un peu mon club depuis des années, où ce que je pense que la problématique est, c'est qu'il y a tellement de bons joueurs en France, plusieurs bons joueurs, que ça crée une problématique à savoir quelle est la meilleure chimie, comment trouver la meilleure combinaison. Parce que tu sais, des joueurs, ça ne fait pas toujours avec tous les joueurs. Hein. Tu sais, il y a des duos, il y a des trios. Il y a eu des années que la chimie en France, je pense, c'est quoi? C'était en 2010. C'est ça, en 2010, ça avait été une catastrophe, la France, parce que c'est une question de chimie. C'est ça, il y avait chimie, mais là, il y avait eu d'autres histoires extra-terrain un peu, là, mais on va se souvenir de ce moment-là qui n'était pas très, très rose au niveau de l'équipe de France, mais c'est ça que ça prend au niveau de la France, comment trouver les meilleures combinaisons possibles pour en arriver à faire une belle coupe. Mais il n'y a pas juste la France, hein, faut pas oublier, si Neymar arrive en santé, le Brésil va être intéressant. L'Espagne, Dani, a surveillé l'équipe d'Espagne, moi, la sélection d'Espagne, là. Il y a des nouveaux jeunes joueurs qui sont là. Je veux mentionner le dernier match avec le FC Barcelone de Iniesta la semaine dernière, il y a deux semaines, qui était vraiment un beau moment. Il y a eu la déception de ne pas voir les Italiens, c'est sûr, mais je veux mentionner Buffon aussi qui quitte la Juventus. On a même parti des rumeurs qu'il s'en irait peut-être au Paris Saint-Germain pour un gros, gros, gros contrat. J'ai hâte de voir si ça va se faire. Puis si on revient à la Coupe du Monde, bien entendu, moi, je t'ai parlé que j'aimais bien la France, mais ce que j'aimerais vraiment, ça serait une grande, grande coupe de Lionel Messi. Mais je pense que la sélection des joueurs à côté de Messi, je suis pas certain de leur qualité pour amener l'équipe de la sélection argentine au grand championnat. Mais Messi est tellement, on parle de Messi, Ronaldo, mais moi je mets Messi un petit peu en haut de Ronaldo, de par son jeu, de par sa qualité de passe, de par qu'est-ce qu'il fait avec ses coéquipiers. Mais encore là, tu sais jamais, Ronaldo aussi de la Portugal, il a été reposé dans les derniers matchs pour le match d'aujourd'hui aussi. Donc, l'Allemagne va être encore tannant, va être encore une super sélection à surveiller. Donc, on s'attend à une belle Coupe du Monde et moi, tranquillement, je commence tranquillement mes billets. Sont sur le bord d'arriver. J'ai eu un message justement que mes billets de la FIFA vont arriver cette semaine, la semaine prochaine. Donc, deux quarts, une demi et la grande finale. Donc, on va se parler, et danradiosport.com, reculant devant aucune dépense, sera à Moscou pour présenter, évidemment. On aura des reportages de Benoît Lavoie en direct de la Coupe du Monde de soccer. C'est incroyable, incroyable. Hey, Benoît, on se reparle dans deux semaines. Et là, ça va être la Coupe du Monde. Yes, Dani, merci beaucoup, bonne semaine. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Jacques-Saint-Jean.